cancer bactériologique. Et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin. Tous mes amis, tous mes camarades volent. Je me sens très mal de ne pas le faire. Et je fais une culpabilité là-dessus. Je n'y arrive pas. J'ai une peur panique du vol. Le vol, c'est aussi un lieu sauvage, la politique. Il fallait l'inventer. Il faut le faire seul, de toute façon. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage... Là, les problèmes qui sont les mêmes, et au contraire, les problèmes qui diffèrent, ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Chacun se souvient de la formule fameuse de Proudhon, « La propriété, c'est le vol ». Des humoristes ont souvent joué à la parodie, l'énergie, c'est la paresse, le courage, c'est l'effroi, la beauté, c'est la laideur, et ainsi de suite. Mais on aurait bien tort, me semble-t-il, de s'en tenir à cette ironie. Non pas tellement parce que Proudhon lui-même s'est employé à apporter bien des nuances à son propos abrupt, que parce que celui-ci rappelle une évidence, à savoir que la propriété et le vol sont liés l'une à l'autre comme l'avers et le revers d'une médaille. Ce vol que le Code pénal, au début du XIXe siècle, définissait en son article 311 comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. La chose possédée par autrui. Et c'est bien ce qu'explicite le titre du beau livre sur lequel nous allons fonder cette émission, La propriété défendue. Et son sous-titre, La société française à l'épreuve du vol. L'auteur, mon invité, Arnaud-Dominique Hout, professeur à la Sorbonne, s'est longtemps occupé des gendarmes. Et voici qu'à présent, il nous parle des voleurs. En nous démontrant qu'en réalité, il s'agit du même sujet. Dès lors qu'on fait se rejoindre, comme il s'y emploie brillamment, l'histoire culturelle et l'histoire sociale. Sous les auspices à la fois de Jean Valjean et d'Arsène Lupin, il nous conduit au terme d'une ample consultation d'archives judiciaires et médiatiques sur un chemin original. Il s'agit de considérer ce que le regard que la société a jeté en France depuis 200 ans sur les multiples types de larcins, de cambriolages, de chapardages, de fauches, de truanderies peut nous apprendre sur les sensibilités collectives, sur la hiérarchie mouvante des sévérités, des angoisses et des fascinations. Et en somme, sur les équilibres et les déséquilibres d'une société. Non sans nous offrir, avec ce recul, un éclairage stimulant sur notre temps. Monseigneur ! Monseigneur, votre grandeur, sait-elle où est le panier d'argenterie ? C'est l'homme d'hier soir qui l'a volé. Oh, l'abomination, il nous a volé notre argenterie. Et d'abord, Madame Magloire, cette argenterie était-elle à nous? Elle était aux pauvres. Qu'était-ce que cet homme? Un pauvre, évidemment. Hélas, Jésus, recevoir un homme comme ça et le loger à côté de moi. Et quel bonheur encore qu'il n'ait fait que voler. Oh mon Dieu, ça fait frémir quand on songe. Entrez! Oh, bonjour, brigadier! Monseigneur, nous avons trouvé cet homme-là. Oh, vous voilà, monsieur Valjean. Je suis aise de vous voir. Eh bien, mais je vous avais donné les chandeliers aussi, qui sont en argent comme le reste et dont vous pourrez bien avoir 200 francs. Pourquoi ne les avez-vous pas emportés avec vos couverts? Madame Magloire, allez les chercher. Bien, monseigneur. Monseigneur, ce que cet homme disait était donc vrai? Nous l'avons rencontré, il allait comme quelqu'un qui s'en va. Nous l'avons arrêté pour voir et il avait cette argenterie. Et il vous a dit qu'elle lui avait été donnée par un vieux bonhomme de prêtre chez lequel il avait passé la nuit. Oui, je vois la chose. Et vous l'avez ramené ici. C'est une méprise. Monsieur le brigadier, messieurs, vous pouvez vous retirer. Monseigneur. Au revoir, brigadier. Au revoir, messieurs. Attendez, un instant, monsieur Valjean. Oui. Je voudrais encore vous dire un mot. N'oubliez pas, n'oubliez jamais que vous m'avez promis d'employer cet argent à devenir un honnête homme. Jean Valjean, mon frère, vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. C'est votre âme que je vous achète. Je la retire aux pensées noires et à l'esprit de perdition, et je la donne à Dieu. Arnaud Dominicoute, bonjour. Bonjour. Je ne doute pas que vous avez reconnu un extrait des Misérables de Victor Hugo, paru en 1862. C'est une adaptation radiophonique de Roger Pilaudin pour l'ORTF, le 12 février 1962, avec notamment Henri Roland, sociétaire de la Comédie Française. Vous êtes déjà en terrain familier, non ? Absolument. Quand on parle des Misérables et de Victor Hugo, on retrouve forcément l'histoire du 19e siècle. Et quand on parle de Jean Valjean, ben on a celui qui est probablement le plus célèbre voleur du 19e siècle, avec Arsène Lupin. Mais Jean Valjean a le mérite d'être un voleur qui connaît un parcours de rédemption. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans ce passage, c'est qu'on voit bien toute l'ambivalence dans le regard. Il y a le regard de Monseigneur Myriel qui est tout prêt à excuser, à absoudre pour racheter. Il y a aussi le regard de la servante. Et cette servante, on voit qu'elle est effarée parce que l'idée qu'un voleur a pu passer du temps sous son toit, bah, ça la terrorise. Et ça dit quelque chose. Le gendarme n'est pas moins étonné. Alors le gendarme est même encore plus surpris parce que le gendarme du 19e siècle est quand même enserré dans un système de hiérarchie sociale. Et évidemment, le vagabond, c'est le voleur par excellence. Donc un vagabond ou un quasi-vagabond repris de justice, qui plus est, qui se promène avec des chandeliers ou des couverts d'argent, il a de bonnes chances de finir en prison. C'est là que Victor Hugo, si je vous ai bien lu, se définit largement contre l'état d'esprit général de cette période qui suit en gros 1830, la révolution de juillet, toute la période de Louis-Philippe, etc. Victor Hugo, pour lui, le progrès est honnête homme. Donc il a, c'est une citation, il a l'idée que à mesure que la révolution industrielle s'affirmera, la morale s'améliorera. Il a dit aussi à propos de la révolution de 1848, je crois, le haillon monte la garde devant le trésor. Exactement, parce qu'en fait, ce qu'on retrouve à ce moment-là, c'est l'idée que, d'une part, il y a quand même la perspective d'un enrichissement de la société, et donc on va vers peut-être une société plus égalitaire et plus démocratique, et d'autre part, il y a l'idée très importante chez Victor Hugo qu'il faut différencier la bonne révolution, l'insurrection, qui est légitime, de l'émeute. Et l'émeute, c'est le pillage. Et en fait, ce qui permet d'opposer justement l'insurrection et l'émeute, c'est en grande partie le rapport à la propriété. L'émeutier, c'est quelqu'un qui ne respecte pas la propriété, qui veut faire de l'argent. Là où l'insurgé, c'est quelqu'un qui justement respecte la propriété parce que c'est pas son objectif. Son objectif, c'est de changer l'ordre politique, pas de s'enrichir. Il a affirmé, comme d'autres, qu'en 1848, en gros, en tout cas à ce moment-là, c'est moins vrai pour la commune dans le regard des bourgeois. En 1848, les émeutiers ont respecté la propriété. Flaubert raconte comment on s'est saisi du fauteuil de Louis-Philippe et qu'on l'a transporté dans la rue. Mais c'était un symbole, ce n'était pas une richesse dont on s'emparait à cette occasion. Alors là, effectivement, c'est un symbole et tous les bijoux et les trésors, justement, de la monarchie ont une dimension qui est plus symbolique, bien sûr, que pécuniaire. C'est tout de même intéressant de voir qu'en 1830, comme en février 1848, on a vraiment tout un ensemble de représentations médiatiques, des chansons, des témoignages, qui indiquent vraiment que les insurgés sont impitoyables contre les voleurs. Mort aux voleurs. On retrouve ça chez Victor Hugo. On les fusille. Alors, il y a quelques exemples, évidemment, difficiles à attester, parce que ça laisse pas beaucoup de traces dans les archives de l'exécution sommaire. Mais il y a des exemples suffisamment attestés pour qu'on le sache. Et on retrouve ça, d'ailleurs, en 1851, et encore, finalement, dans la Commune de Paris. La Commune, c'est vrai, a une image plus trouble, parce que, justement, les adversaires de la Commune vont expliquer que les communards n'ont pas respecté la propriété. Et ce sont eux qui ont raconté l'histoire, en tout cas au début. C'est ça, parce qu'en fait, c'est la légende noire qui a gagné. Mais dans le même temps, quand on regarde bien, la légende dorée de la Commune, Lissagaray et d'autres, ils insistent énormément pour dire que les communards sont tout sauf des voleurs, et que, justement, bah, ils se sont pas saisis de l'argent de la Banque de France, par exemple. Il demeure que, selon vous, et je crois que chacun ratifiera cette analyse, il y a une rupture entre le 18e siècle et ce 19e siècle tel qu'il se définit au début de la période que vous considérez. Je voudrais que vous nous explicitiez ce qui vous apparaît comme ce changement. Alors, ce qui se joue en fait entre le 18e et le 19e siècle, c'est un changement de degré sans doute dans le rapport à la propriété et donc au vol. Disons que au XVIIIe siècle et à toute époque, on avait une condamnation du voleur. Mais ce qui change avec le XIXe siècle, c'est une propriété qui est tout de même plus présente, plus disséminée aussi. C'est un effet de la Révolution française, avec notamment les biens nationaux qui ont été mis aux enchères, etc. Donc il y a quand même une propriété dont on veut croire en tout cas qu'elle a vocation à être plus égalitaire et donc mieux partagée. Ça, c'est le premier élément. Et puis, dans le même mouvement, on retrouve aussi l'idée qu'il faut davantage justement faire respecter l'ordre, faire respecter la loi. Ça, c'est quand même une idée de fond du 19e siècle qui vise justement à mieux enserrer la société, à mieux la surveiller finalement, hein. Surveiller et punir, comme disait Michel Foucault. Mais au fond, l'idée clé ici, c'est qu'il s'agit justement de contrôler. Et donc, le vol va devenir un outil aussi du contrôle. Vous nous montrez qu'au XVIIIe siècle, les définitions de la propriété dans le monde rural sont peut-être moins précises. Il y a des biens communaux, il y a tout ce que l'on partage. Et la figure majeure du outlaw, comme on ne dit pas encore, du hors-la-loi, c'est Mandrin, c'est Cartouche. Ce sont des brigands, effectivement. Des brigands qui, d'ailleurs, sont plus des contrebandiers, en fait, que des voleurs à proprement parler, même s'ils ont évidemment plusieurs cordes à leur arc. Et effectivement, on a à ce moment-là une figure dominante qui est très ambiguë, parce que un mandrin, un cartouche, ce sont des figures qui sont poursuivies par la justice et par l'appareil d'État et qui finissent sur l'échafaud, mais ce sont aussi des figures, par de nombreux aspects, qui peuvent susciter une forme de sympathie. Robin des Bois en Angleterre. Exactement. C'est le modèle de Robin des Bois avec l'idée que le bandit social, c'est quelqu'un finalement qui joue aussi un rôle de redistribution et qui vit aussi sur le pays. C'est-à-dire que quand il est installé dans un territoire, il va exploiter ce territoire, il va le piller. Hein, il ne faut pas exagérer la sympathie qu'il suscite auprès des populations. Mais il y a forcément des gens qui gagnent aussi dans l'installation d'un brigand sur un territoire donné. Le 19e siècle, en mouvement, c'est le temps que vous appelez celui de la petite propriété, du consensus propriétaire. Je relève cette citation de Stendhal, qui écrivait que jamais l'histoire n'avait présenté le spectacle d'un peuple, on doit être vers 1825, le spectacle d'un peuple qui, sur 33 millions d'habitants, compte 5 millions de propriétaires. Il se réjouit que, par la loi démocratique qui partage les successions, le nombre des propriétaires tende à s'augmenter à l'infini. 5 millions, à la fin du 19e siècle, on arrive à 20 millions de Français propriétaires. Formidable mutation, non ? Formidable mutation. Alors, bien sûr, à relativiser sur un point fondamental, c'est que c'est aussi un paroxysme des inégalités. Et la fin du 19e siècle, il y a des inégalités considérables. Mais malgré tout, ce qui est important ici, c'est que dans l'auto-représentation, notamment de la République, dans le discours que la France va avoir sur elle-même, elle peut avancer l'idée qu'en France, il y a des petits propriétaires. Il y a aussi des très gros propriétaires, donc les inégalités sont bien réelles, mais une partie des plus pauvres peuvent espérer accéder à la propriété, ont commencé à le faire, et ça permet justement de développer, notamment à l'école, un discours moral extrêmement intransigeant, où on va expliquer justement que la propriété, c'est quelque chose de sacré, qu'il faut respecter, y compris d'ailleurs dans le cadre scolaire, et qu'il n'y a pas justement de petits vols. Tout vol est coupable. C'est assez significatif. Je vois que Gambetta, pour fonder la République, s'appuie sur l'affirmation que pour lui aussi, la propriété est sacrée à La Ferté-sous-Jouarre en juillet 1872, au début de sa grande campagne pour inscrire la République dans la profondeur du pays. Et il va soutenir un de ses amis, Paul Joson, qui est futur député du lieu. Il s'écrit en s'adressant à son public: cette terre est à toi, c'est ta passion dominante, tu l'aimes, tu la travailles, tu la fécondes. Eh bien, ce travail de chaque jour, ce travail accumulé, ce travail associé à la personne, c'est ton bien, c'est ta propriété. C'est intéressant de replacer ça dans le contexte justement de la transformation aussi du discours républicain. Gambetta, au début, c'est un élu des villes, c'est un élu de Paris, de Belleville, qui a le soutien, ou qui considère en tout cas qu'il a le soutien du monde ouvrier. Mais la France est un pays rural. Et si la Troisième République veut s'installer, si elle veut durer plus longtemps que la Deuxième et la Première qui n'ont fait que quelques années, eh bien il faut justement un socle. Et ce socle, il l'espère, il va réussir à le trouver dans les campagnes, et justement avec cet argument que la République sera le régime garant d'un ordre social, d'une propriété, et j'insiste là-dessus, d'une petite propriété. Parce que tout le discours républicain est fondé sur l'idée que la petite propriété, c'est au fond le modèle français par excellence. Et ce sera le socle de l'essor du radical-socialisme qui va dominer largement la vie publique jusqu'à 1940 au moins. Oui, c'est un discours dont on retrouve vraiment ici, alors des prolongements d'ailleurs bien plus tard, hein, y compris dans le discours de la fin du XXe siècle sur l'accession à la propriété privée, l'immobilier, tout le discours sur la société de propriétaires. C'est un thème qu'on retrouve à l'époque de Valéry Giscard d'Estaing, mais aussi de Nicolas Sarkozy. C'est une structure récurrente, en fait, hein, ici, du discours politique, et qui se fonde très largement, justement, sur cette valorisation de la petite propriété. Et en même temps qu'on entend crier « mort aux voleurs », il y a un discours de socialiste utopique qui donne au moins le sentiment qu'il se définit contre cette ambiance générale. Et j'ai cité en commençant Proudhon, alors il faut que nous y revenions bien sûr, la propriété c'est le vol. Écoutez cet extrait de son mémoire qui s'appelait « Qu'est-ce que la propriété ?» On y est vraiment là, qui remonte à 1840. C'est une archive qui a été diffusée dans « Entendez-vous l'écho » de Tiphaine de Roquigny sur France Culture récemment. Le 3 janvier 2019. Si j'avais à répondre à la question suivante, qu'est-ce que l'esclavage, et que d'un seul mot je répondisse c'est l'assassinat, ma pensée serait d'abord comprise. Je n'aurais pas besoin d'un long discours pour montrer que le pouvoir doté à l'homme la pensée, la volonté, la personnalité, est un pouvoir de vie et de mort, et que de faire un homme esclave, c'est l'assassiner. Pourquoi donc à cette autre demande, qu'est-ce que la propriété, ne puis-je répondre de même c'est le vol, sans avoir la certitude de n'être pas entendu, bien que cette seconde proposition ne soit que la première transformée. J'entreprends de discuter le principe même de notre gouvernement et de nos institutions, la propriété. Je suis dans mon droit. Je prétends que ni le travail, ni l'occupation, ni la loi ne peuvent créer la propriété, qu'elle est un effet sans cause. Suis-je répréhensible ? La propriété, c'est le vol. Voici le tocsin de 93. Voici le branle-bas des révolutions. Lecteur, rassurez-vous, je ne suis point un agent de discorde, un bout de feu de sédition. J'anticipe de quelques jours sur l'histoire, j'expose une vérité dont nous tâchons en vain d'arrêter le dégagement, j'écris le préambule de notre future constitution. Alors, Arnaud-Dominique Hout, il faut que nous expliquer pourquoi il faut largement nuancer le propos célébrissime de Proudhon. Alors, deux éléments, je pense, sont importants à rappeler ici. Le premier, Proudhon le dit d'ailleurs dans cet extrait, dès donc la profession de foi, la propriété, c'est le vol, il le dit, ça va être difficile, finalement, de se faire entendre auprès des populations. Il le dit, c'est difficile à expliquer. Il est très conscient, et il le sera encore plus tout au long de sa carrière ensuite d'orateur, que là, il touche quelque chose qui est contre-intuitif pour la majorité de la population. Et puis, il y a une deuxième raison qui est plus profondément intellectuelle, qui est directement ici lié à la pensée de Proudhon, c'est que Proudhon dénonce la propriété, mais pas toute la propriété. Il dénonce finalement les exagérations de la propriété. C'est ça, au fond, qui est au cœur de son raisonnement. Il n'est pas hostile, finalement, à une forme de petite propriété qui est celle, hein, dans son modèle social, de l'artisan, du travailleur des métiers, justement, parisien, qui est à son compte et qui est, au fond, un modèle qu'il revendique. Ce à quoi il s'oppose, c'est l'accaparement, c'est la spéculation, c'est justement les formes plus radicales au fond de la propriété. C'est ce qui lui apparaît comme le cœur du principe même de la propriété. Je relève qu'il fait cette intéressante comparaison avec l'amande, A-M-A-N-D-E. Comme l'amande amère, réduite par l'analyse chimique à la pureté de son élément, devient acide prussique, ainsi, la propriété réduite à la pureté de sa notion est la même chose que le vol. C'est déjà un peu un recul. Et 10 ans plus tard, s'apercevant qu'il y a eu des réactions, disons, mitigées à son propos, y compris parmi ceux qui le suivent et qui l'aiment, il écrit « Le peuple, même celui du socialisme, veut, quoi qu'il en dise, être propriétaire. Et si l'on me permet ici de citer mon propre témoignage, je dirais qu'après 10 ans de critiques inflexibles, j'ai trouvé sur ce point l'opinion des masses plus dure, plus résistante que sur une autre question. » L'affirmation et presque l'aveu sont intéressants. C'est presque un aveu d'échec, effectivement. En tout cas, c'est le glissement qu'on évoquait tout à l'heure, au fond. C'est-à-dire qu'au milieu du 19e siècle, la dissémination de la propriété rend aussi sans doute plus difficile un discours critique radical de la propriété. Et ça va être encore plus vrai plus on avance vers la fin du 19e siècle, parce que le mouvement socialiste, évidemment, critique la propriété privée en tant qu'elle est inégalitaire, mais le même mouvement socialiste va insister sur le fait qu'il n'est pas hostile à la propriété privée en tant que telle. Alors la seule exception dans cette évolution du discours, mais c'est une exception elle-même limitée, ce sont les anarchistes. Les anarchistes, de leur côté, vont développer l'idée que, au fond, le vol n'est pas un vol, c'est une réappropriation, c'est une restitution. Donc là, on est sur un modèle qui est différent, mais ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les théories anarchistes du vol, elles deviennent vite minoritaires. La plupart des anarchistes, en réalité, sont très mal à l'aise avec la pratique même du vol. Il y en a qui le font, mais c'est une minorité. Et de plus en plus, on a l'idée justement que ça serait un problème de généraliser un système de vol et de le défendre. Parce que c'est complètement contradictoire avec la morale dominante de la fin du 19e siècle. Oui, alors cela nous conduit, Arnaud, Dominique Hout, vers le petit groupe des anarchistes qui ont néanmoins continué d'affirmer qu'il y avait une restitution, en somme, dans le vol. Ça annonce un peu le comportement d'un certain nombre de gauchistes en 68, lorsqu'ils avaient dérobé des produits fins chez Idiard ou chez Fauchon. Chez Fauchon, effectivement, c'est la gauche prolétarienne qui, justement, va mettre en place des tentatives et puis quelques actions de vol avec redistribution. C'est-à-dire que l'idée, c'est de voler un épicier de luxe pour redistribuer ensuite le butin dans un foyer Sonacotra, en l'occurrence de Seine-Saint-Denis. Et bien Clément Duval, qui a cambriolé un hôtel particulier de la rue Monceau, quartier riche, déclare devant la cour d'assises qu'il revendique cet acte tout en récusant sa qualification pénale. Ce n'est pas un vol que j'ai commis, mais une juste restitution faite au nom de l'humanité. Cet argent devant servir à la propagande révolutionnaire par l'écrit et par le fait. Alors Duval, c'est justement l'un des premiers, sinon le premier, véritablement, à avoir pratiqué réellement le vol. Alors pas beaucoup, parce qu'il se fait très vite prendre, justement. Il faut dire qu'il se contente pas de cambrioler l'appartement du beau quartier. Il l'incendie aussi, donc ça fait un peu beaucoup. Et évidemment, il finit par être capturé. C'est très différent du vol, ça, quand on détruit... C'est ça. Alors apparemment, c'est accidentel. On pourrait se saisir. Apparemment, c'est accidentel et Duval était quand même dans une logique de cambriolage. Mais en tout cas, on va lui reprocher beaucoup plus. Et il va finir au bagne, même s'il va réussir par ailleurs à s'en évader. Mais après Duval, on a d'autres figures comparables. Vittorio Pini et puis surtout... Vittorio Pini, c'est un Italien, comme son nom l'indique, oui, qui a été également une figure emblématique à l'époque. Tout à fait. Lui aussi fait parler, en fait, à l'époque, de manière assez forte dans la presse, parce que on a l'idée que peut-être derrière des figures comme Duval ou Pini, on a des groupes organisés qui peuvent menacer la société et qui remettent en question les principes mêmes sur lesquels est fondée cette société. On retrouve au fond l'ambivalence de votre titre, qui est propriété défendue. Je pense que c'est à dessein que vous avez choisi cet adjectif, puisque cela peut vouloir dire à la fois la propriété protégée et la propriété interdite. Exactement. L'idée, c'est de bien comprendre que les deux vont ensemble. Oui. En fait, j'ai pensé, pour ce titre, tout simplement à un panneau. C'est l'idée d'un panneau qu'on va trouver, justement, propriété défendue. Ça veut dire on ne rentre pas, on n'a pas le droit d'y aller. Et en même temps, effectivement, si on reprend de manière plus littérale les termes, on se rend compte que ça définit aussi la contestation, la critique de la propriété. Chien méchant, etc. Cela nous conduit à la grande question de la perception de la menace par le monde des propriétaires à mesure que le 19e siècle s'écoule, passage des campagnes à la ville en particulier. Il y a des changements qui sont toujours difficiles ici à rationaliser, parce que quand on regarde les archives concernant le vol, on est frappé avant tout par la continuité dans la banalité, puisque la plupart des vols se ressemblent. Et ce sont souvent de petits larcins, très loin justement des exploits d'un Duval ou d'autres. Mais cependant, quand on regarde d'un peu plus près, on peut distinguer quand même des changements, des époques. Alors la première époque, c'est le brigandage. On l'évoquait tout à l'heure, c'est justement le moment où on a une menace qui est très identifiée. Cette menace, elle prend le visage justement des bandes, du crime organisé, de figures qui terrorisent les campagnes en particulier. Ça, c'est quelque chose qui disparaît tout de même pour l'essentiel dans la première moitié du 19e siècle, notamment parce que la gendarmerie et la police sont mieux exercées et que la justice réprime et élimine une grande partie de cette menace très visible. Du coup, ce qui évolue et ce qui caractérise un deuxième temps, et ça, c'est à partir déjà des années 1820-1830, et c'est la grande partie du 19e siècle, c'est une menace tout à fait différente, plus diffuse. C'est la menace du petit voleur, finalement. D'un vol ordinaire, mais qui, d'une certaine manière, est plus fréquent parce qu'il y a plus de choses à voler dans cette société, et d'un vol, justement, qu'il est difficile de réprimer. Parce que la loi, le code pénal, il a été pensé en 1810 pour les grands criminels, pour les grands brigands. Il y a une disproportion des peines qui est effarante. C'est l'histoire de Jean Valjean, hein, condamné à 5 ans de travaux forcés pour un vol de pain. Et donc, toute la nécessité ici, qui va être celle du 19e siècle, c'est de trouver une pénalité adaptée, finalement, à ce petit vol. Alors, c'est ce qu'on appelle, en fait, le processus de correctionnalisation, parce que on va tout simplement limiter la qualification criminelle, hein, la cour d'assises, parce que c'est trop gros pour des petits vols, et on va développer, en revanche, le recours aux tribunaux correctionnels, considérer le vol comme un délit. L'avantage, finalement, du point de vue de la justice, c'est que dans ce cas-là, on punit certes moins fort, mais on punit beaucoup plus systématiquement. La cour d'assises est dangereuse du point de vue de la défense des valeurs bourgeoises, parce que c'est le peuple qui, pour l'essentiel, tranche, donne son verdict, et il y a des surprises. Le jury d'assises, effectivement, c'est quelque chose que la magistrature ne peut pas tout à fait contrôler. Alors, elle peut en partie, bien entendu, contrôler la composition, et selon les époques, il y a quand même des hiérarchies sociales qui sont respectées. Mais disons que l'avantage du tribunal correctionnel, outre que la pénalité est plus adaptée, finalement, ici aux enjeux, c'est aussi qu'on contrôle beaucoup mieux, et que le taux de relax va être, finalement, de plus en plus faible. Finalement, à la fin du 19e siècle, le petit voleur, c'est quelqu'un qui parcourt les prisons, qui va de prison en prison, là où auparavant, le grand brigand, c'était celui qui finissait sur l'échafaud ou qui finissait au bagne. On a deux modèles, finalement, ici différents. D'ailleurs, le développement des flagrants délits est topique à cet égard. Clémenceau, qui aimait beaucoup se rendre comme observateur au tribunal pour les observer, offre un certain nombre de tableautins qui vont exactement dans ce sens. Par exemple, l'histoire de celui qu'il appelle un vieux guenilleux affalé qui est entré dans une boulangerie et qui a demandé un croûton de pain. « Comme de juste, dit la boulangère, je le lui ai refusé. » Et le bonhomme a répondu « C'est bien, quand ce qui doit arriver arrivera, vous verrez ce qui vous arrivera. » Et le juge répond « Alors vous ne niez pas, vous êtes obligé de reconnaître que non content de mendier, vous avez essayé d'extorquer une aumône par la menace. » Et Clémenceau observe que finalement il a été condamné à 3 mois de prison. Ce qui est une petite peine à l'aune, justement, de la fin du 19e, ça paraît évidemment paradoxal, hein, mais c'est très frappant de voir effectivement ici qu'on punit beaucoup, et on punit surtout effectivement assez systématiquement ce type d'action et de propos, hein, puisqu'encore une fois, c'est intéressant d'entendre cette idée que c'est comme de juste, on refuse le pain, et comme de juste, finalement, on punit. C'est le titre de l'article de Clémenceau qui est repris dans la Mêlée sociale en recueil qu'il a lui-même publié. Il y a naturellement des cibles du vol qui sont particulièrement sensibles. Je pense au vol des églises, avec une évolution au long du 19e siècle. Le vol d'église, c'est particulièrement significatif parce que, à l'origine, c'est un sacrilège. Le vol d'église, c'est le vol au fond le plus grave, puisque c'est le vol de la maison de Dieu. Alors tout le problème, c'est que à partir du moment où on laïcise le droit, on sécularise le droit, et bien il devient impossible de garder cette qualification sacrilège. Alors c'est un grand débat d'ailleurs juridique d'abord dans les années 1810, qui est très amusant parce que la Cour de cassation s'étripe, hein, littéralement sur la question de savoir si une église est une maison habitée. Si c'est une maison habitée, cambrioler une église, c'est un vol aggravé. Si en revanche on considère que c'est un lieu vide et public, Et bien dans ce cas-là, c'est un simple délit. Alors vous imaginez bien que quand une cour royale dans les années 1810 dit que l'église est une maison vide... Une cour impériale. Ou une cour impériale, ça fait réagir. Et donc c'est en partie pour cette raison que dans les années 1820, sous Charles X, on va instaurer une nouvelle législation, la loi du sacrilège, alors qui est pensée bien sûr avant tout, hein, dans un signal réactionnaire pour justement rallier la droite légitimiste la plus traditionnaliste, qui est pensée pour conforter la place de l'Église, mais qui justement prend pour prétexte le nombre croissant de vols d'Église, parce qu'on dit bah, y a une impunité, ils sont pas assez sanctionnés, donc il faut alourdir les peines. Les débats sont d'ailleurs passionnants. Il s'agit en particulier de savoir si on punira spécialement le vol des hosties consacrées. Et il est prévu par la loi, malgré les protestations des protestants, de Benjamin Constant et de beaucoup d'autres, y compris d'un certain nombre de catholiques comme Lacordaire, qui disent que ça n'est pas à l'État de décider ce qui est un outrage spécifique à la religion. Néanmoins, le projet de loi prévoyait qu'on couperait le poignet du coupable avant de l'exécuter. Finalement, on a renoncé à ça, mais la peine de mort a été installée et n'a jamais été en fait appliquée. La loi était de fait tombée en désuétude à partir de 1830. Mais c'est un moment symbolique et fort. C'est un moment tout à fait crucial parce qu'il montre finalement qu'il est impossible de restaurer, hein, et là pour le coup c'est l'échec de la restauration, il est impossible de restaurer l'ancien régime et ses pénalités, des pénalités qui étaient plus spectaculaires que réellement efficaces. Et c'est pour ça qu'on retrouve cette évolution hein, que j'évoquais, c'est-à-dire ce deuxième temps. Après les années 1830, le voleur d'église ne va pas être puni d'une manière finalement plus sévère que n'importe quel voleur, c'est la même législation qui s'applique. En revanche, justement, comme la peine est un peu plus réduite, que ça devient une peine de prison, tout simplement, de prison à temps, eh bien, on va prononcer beaucoup plus souvent cette peine. Sachant que le vol d'église, il faut bien le comprendre, hein, c'est un vol facile au XIXe siècle, parce que l'église, par définition, n'est pas habitée la nuit, il est assez facile d'y pénétrer, et il y a des objets à voler. Donc, il y a effectivement toute une tradition du vol d'église qui perdure, hein, longtemps d'ailleurs. Le métier de chiffonnier est assez central. Il est central parce qu'effectivement, il permet de mieux délimiter ce qu'est et ce que n'est pas la propriété au XIXe siècle. D'abord, le métier de chiffonnier, c'est quelque chose d'important dans la France du XIXe siècle. À Paris, notamment, il y a des milliers de chiffonniers. Reconnus comme tels, avec des médailles. Reconnus comme tels, qui ont un rôle social, parce qu'effectivement, ce rôle social, c'est de trier les ordures, tout simplement, et de les valoriser. Donc, c'est très important, et au moins jusqu'aux années 1880, ils ont un rôle, d'une certaine manière, intégré, finalement, à l'économie urbaine. Alors, le problème, c'est que ces chiffonniers, en même temps, ils ont un statut un peu inquiétant. Tout simplement parce que le chiffonnier prend ce qui n'est plus à personne. Avec leur crochet. Voilà, il a un crochet, il ramasse, et alors le problème, c'est est-ce qu'il a le droit de garder ce qu'il ramasse? La tradition dit que oui, mais de plus en plus, on considère que c'est un problème. Et de manière très significative, dans les années 1880, on a un nouveau préfet de la Seine, Monsieur Poubelle, qui, comme son nom le suggère, va justement instaurer l'obligation d'enfermer les déchets dans des boîtes closes, et par conséquent, il va priver les chiffonniers de leur gagne-pain. Alors évidemment, le chiffonnage continue à exister, mais c'est très révélateur, l'invention de la poubelle, finalement, de la volonté de mieux séparer ce qui relève justement de la propriété protégée, y compris quand il s'agit d'un déchet qu'on n'a pas le droit de prendre comme ça dans une poubelle, et ce qui relevait autrefois justement d'une sorte d'indifférenciation d'objets qui n'avaient pas vraiment de statut. Et alors ça croise hein, toute cette histoire-là, l'histoire des objets trouvés. Puisqu'effectivement... Est-ce qu'il faut les rendre ou pas? Voilà. Alors la morale et les manuels de morale scolaire le disent, c'est même systématiquement une page fondamentale dans les manuels pour l'école primaire. L'objet trouvé, il faut le rapporter. Alors cependant, ce qui est intéressant ici, c'est que on voit bien qu'il n'y a pas de réglementation, de législation en réalité, qui permet de donner un statut réellement stabilisé aux objets trouvés. En fait, ces objets trouvés... Ils ont une place un petit peu incertaine, avec une gestion qui est très empirique. La préfecture de police met en place un dépôt des objets trouvés, qui va souvent déménager d'ailleurs. Pour aboutir finalement, nous le savons tous, à Paris, rue des Morillons. Exactement, c'est le lieu où on se retrouve quand on a perdu quelque chose dans Paris, dans le métro en particulier. C'est la caverne d'Ali Baba, hein, pour le coup, effectivement, des objets perdus et parfois retrouvés. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a jamais eu véritablement de théorisation de l'objet trouvé. C'est empirique. C'est juste qu'on se rend compte qu'il y a la nécessité de trouver un moyen d'expliquer aux gens que l'objet trouvé, il faut le rapporter à l'autorité publique qui en aura la charge et qui donc garantit qu'il n'y a pas de vol. Il est intéressant aussi d'observer, à vous lire, Arnaud-Dominique Hout, que les proies évoluent naturellement avec la civilisation. Je pense en particulier à l'émergence, avant même 1914, du vol d'automobiles. Lorsqu'on passe au début du siècle d'à peu près 2000 automobiles en France à 200 000. Et donc le désir s'accroît. Et je vais vous faire écouter, en sautant plusieurs décennies, cette chronique judiciaire du célèbre Frédéric Potcher. qui évoque la condamnation de 3 jeunes à la prison pour vol de voiture. C'est une archive de Paris Inter, le 4 décembre 1956. Potcher a une grande efficacité dans l'évocation, vous allez voir. Ils n'ont pas 60 ans à eux trois, car la blonde Mireille que deux petits messieurs encadrent sur le banc des prévenus de la 14e chambre correctionnelle n'en a que 19. Il y avait entre Pierre et Mireille un gentil petit flirt qui durait depuis 6 mois. Cela consistait à se retrouver le samedi soir après le bureau, où Mireille est dactylographe, et l'atelier de dessin industriel, où Pierre tire des lignes. Et on allait danser. On rentrait chacun chez soi à l'aube, et les parents trouvaient ça parfaitement normal, ce en quoi ils avaient bien tort, vous allez le voir. Donc une nuit, sortant d'un caveau en fumée, Mireille et Pierre rencontrent à Saint-Germain-des-Prés Maurice. Cette scène se passait rue Saint-Benoît, et il y avait là aussi l'objet de tous les rêves de ces jeunes gens, une très belle voiture. Pierre proposa à Maurice de, je cite, « boire un dernier verre ». Mais Maurice, lorgnant Mireille et la voiture, répondit, « Oh, pas dans ce quartier, c'est trop moche. Allons plutôt à Montmartre. Tenez, je vous emmène. On va emprunter cette belle 8-cylindres. Oh, vous en faites pas, j'ai l'habitude. » Et ils n'hésitèrent pas à filer tous trois dans la voiture empruntée. Cette aventure avait beaucoup amusé Pierre. Quant à Mireille, qui le répète naïvement au juge qui l'interroge, elle se déclara ravie d'être mêlée à ce jeu dangereux. On n'en resta pas là. Ces petits jeunes gens n'avouent-ils pas avoir emprunté 6 voitures en quelques jours? Ce jeu aurait peut-être continué si 2 agents de police n'avaient été intrigués par les allées et venues de nos 3 compères autour d'une superbe régence. Commissariat de police, aveu complet, 14e chambre, jugement. Mireille, 6 mois de prison avec sursis. Pierre, 6 mois de prison ferme. Maurice, le spécialiste, le technicien de l'emprunt, 8 mois ferme. Ça n'est pas volé entre nous, soit dit. Quant aux parents qui sont consternés, le président du tribunal les invite à réfléchir. Vous avez apprécié, j'en suis sûr comme nous, Arnaud Dominicout, la conclusion de Potcher. Retour à la morale. Les parents doivent éduquer leurs enfants. Alors c'est vrai que c'est particulièrement savoureux parce que on est à ce moment-là, dans les années 1950, juste avant le phénomène médiatique des blousons noirs, juste après le phénomène médiatique des J3, c'est le moment où la jeunesse fait peur. C'est la jeunesse née du baby-boom, finalement. Pas encore tout à fait, mais on la voit apparaître. Avec des bandes qui s'affrontent, cela sonne assez familier. On retrouve effectivement des récurrences dans l'idée que la jeunesse est dangereuse. Et dans les années 50-60, c'est un thème récurrent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la délinquance typique, justement, de cette jeunesse des années 1950, c'est le vol de voiture. Alors un vol de voiture qui, on l'entendait là, n'est pas tout à fait un vol d'appropriation, c'est pas un trafic, c'est ce qu'on appelle un vol d'usage. C'est-à-dire qu'on vole la voiture pour faire un tour, pour parader, pour aller dans un endroit différent. Pour séduire les filles. Pour séduire les filles. Et évidemment, le résultat, c'est que la voiture, ensuite, on la retrouve. Un peu plus tard, le réservoir d'essence vide, et surtout, on retrouve assez rarement, finalement, les coupables. Parce que, par définition, c'est un vol qui passe assez inaperçu. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce vol d'automobile, on le voit, il est typique, justement, du XXe siècle, et il nous montre que l'histoire du vol, c'est aussi l'histoire des objets dominants dans une société. Au début du XXe siècle, on vole des bicyclettes. Au milieu du XXe siècle, on vole des automobiles. Au début du XXIe siècle, on vole des smartphones. Mais au fond, à chaque fois, il y a un objet un petit peu dominant. Et ça dit quelque chose aussi de l'histoire de la consommation et de la matérialité, finalement, de nos sociétés. Cela éclaire aussi l'existence de lieux particulièrement ouverts. Il y a les bibliothèques, il y a aussi les musées. À la fin du XIXe et surtout au début du XXe, des moments particulièrement représentatifs, avec le vol de la Joconde, par exemple. Oui, le vol de la Joconde, qu'est-ce qui nous apprend un temps fort. Alors, c'est intéressant parce qu'on sait que la Joconde, comme finalement l'ensemble du musée du Louvre, n'était pas très bien gardée au début du XXe siècle. Et c'est assez logique, c'est un bâtiment d'une grande complexité architecturale. Ce n'est plus le cas, il est bien gardé, il faut en avertir les possibles montants en l'air. Peut-être, effectivement. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'au début du XXe siècle, on n'a pas véritablement les moyens de garder. Il n'y a pas beaucoup de services, d'ailleurs, de garde. Ils ne fonctionnent pas très bien. Et c'est le moment aussi où on veut ouvrir. C'est-à-dire que la fin du XIXe siècle, c'est une tentative pour démocratiser l'accès aux musées. Il y a notamment des gratuités le dimanche, il y a de plus en plus de passages, il y a des artistes qui font des copies. Enfin, c'est un lieu très vivant. Et c'est donc relativement facile de voler des objets comme la Joconde, cas extrême, cas emblématique et spectaculaire, mais qui est très intéressant parce qu'il va provoquer véritablement une crise de conscience. Il y a une fascination médiatique pour ce vol, mais surtout pour ce qu'il révèle justement des failles de la sécurité. On se dit que la police est incapable de retrouver le coupable, on se dit que les trésors du Louvre sont mal gardés. C'est au même moment que Maurice Leblanc, dans L'Aiguille Creuse, va imaginer un Arsène Lupin qui détiendrait les trésors authentiques de la France, qu'il aurait remplacé par des copies dans les musées et églises diverses et variées. Est-ce que c'est tout à fait dépassé? Je vois ces jours-ci, c'est l'actualité, qu'on vient de retrouver une armure richement décorée qui avait été volée il y a une trentaine d'années au Louvre. J'avais été assez frappé en travaillant sur ces archives-là de voir que autant le Louvre est globalement très sécurisé à partir de l'entre-deux-guerres, parce que c'est un enjeu médiatique considérable, autant les vols se déplacent vers les musées de province. Les petits musées en particulier qui manquent de moyens, et dans les années 1960-70 en particulier, ça devient un problème majeur, considéré comme tel, parce que justement il y a aussi une circulation internationale du trafic d'œuvres d'art, et ça va provoquer d'ailleurs la création dans les années 70 d'un office central, donc une structure policière spécialement dédiée à la protection des musées, ce qui passe essentiellement par le financement de systèmes d'alarme et par surtout la mise en place d'inventaires. Parce qu'en fait, le meilleur outil contre le vol dans les musées, dans les bibliothèques, ce sont des recollements, des inventaires qui permettent déjà de savoir où doit être l'objet, où doit être le livre, et donc de vérifier régulièrement qu'il n'y a pas eu de perte. Et un autre aspect de ce sujet du vol au XIXe siècle, c'est l'apparition des grands magasins, c'est-à-dire une dialectique entre le fait que l'on donne à voir pour séduire et provoquer un désir d'achat, et d'autre part la nécessité de se protéger. De ce point de vue-là, Zola reste irremplaçable dans son grand livre « Au bonheur des dames », qui est, nous le savons, inspiré par la naissance et le développement du bon marché de Madame Boussicot. Et écoutez cet extrait du « Bonheur des dames ». C'est un texte qui est lu par Marc Léonian dans la série documentaire intitulée « Tiens, au voleur » de Jérôme Sandelard sur France Culture, le 10 avril 2019, comment la comtesse de Boves ne résiste pas à la tentation de la kleptomanie. Dans un coin du rayon, l'inspecteur Jouve, qui n'avait pas lâché Madame de Boves, malgré l'apparente flânerie de cette dernière, se tenait immobile, l'œil toujours sur elle. « Regarde donc, maman !» disait Blanche qui fouillait à côté un carton plein de dentelles à bas prix. « On pourrait prendre de ça pour les oreillers !» Madame de Boves ne répondait pas. Alors la fille, en tournant sa face molle, vit sa mère, les mains au milieu des dentelles précieuses, en train de faire disparaître dans la manche de son manteau des volants de point d'Alençon. Elle ne parut pas surprise. Elle s'avançait pour la cacher d'un mouvement instinctif lorsque Jouve, brusquement, se dressa entre elles. Il se penchait, il murmurait à l'oreille de la comtesse d'une voix polie « Madame, veuillez me suivre. » Le visage ivre d'angoisse, elle jeta un rapide coup d'œil autour d'elle. Puis, elle se résigna. Elle reprit son allure hautaine, marchant près de lui comme une reine qui daigne se confier aux bons soins d'un aide-de-camp. Pas une des clientes entassées là ne s'était même aperçue de la scène. Le vendeur, revenu devant le comptoir avec les Berthes, la regardait emmenée, bouche béante. « Comment ? Celle-là aussi ? Cette dame si noble ?» Depuis un an, Madame de Beau volait ainsi, ravagée d'un besoin furieux, irrésistible. Les crises empiraient, grandissaient, jusqu'à être une volupté nécessaire à son existence, emportant tous les raisonnements de prudence, se satisfaisant avec une jouissance d'autant plus âpre qu'elle risquait sous les yeux d'une foule son nom, son orgueil, la haute situation de son mari. Elle volait pour voler, sous le coup de fouet du désir, dans le détraquement de la névrose que ses appétits de luxe inassouvis avaient développé en elle. Ce sont déjà les vols des supermarchés, non ? C'est effectivement avec les grands magasins de la fin du 19e siècle le même problème qu'on va retrouver pour les supermarchés des années 1960 et bien sûr jusqu'à nos jours. Ce problème, en fait, c'est une dialectique très simple ici, c'est que d'un côté, il faut montrer, rendre accessible, installer à partir des années 1960 le libre-service. Donc on crée du désir et on crée une facilité, une opportunité de vol. Et de l'autre côté, on a toujours la volonté, bien sûr, de protéger la marchandise et de ne pas l'exposer aux convoitises. Alors, la question, elle se pose de la même manière pour les grands magasins parisiens à la fin du 19e siècle que pour les supermarchés dans toute la France à partir des années 1960, c'est celle de l'équilibre économique. Et l'équilibre économique, globalement, il est garanti. Toutes les enquêtes le disent dans les années 60 et notamment tous les promoteurs du modèle du libre-service le disent, ne vous inquiétez pas d'être volé, vous rentrerez dans vos frais. Mieux vaut de la publicité, mieux vaut des gens qui circulent dans les allées qu'un système trop verrouillé qui n'attire pas le chaland. Un petit pourcentage est ce qu'on doit consentir au profit du commerce. Le pourcentage dit de démarque inconnue. C'est la formule qui permet justement de cacher le vol. Pudique. De manière extrêmement pudique. Alors cette pudeur a son importance parce que le seul problème, finalement, si économiquement les magasins s'y retrouvent, le seul problème, il est moral. Mais là, la morale ne s'y retrouve pas. Parce qu'évidemment, si on peut commettre des vols dans les supermarchés, ça pose le problème du maintien de l'interdit moral. Et on mesure dans les années 70 en particulier, un glissement très net autour notamment de l'idée que voler dans les grands magasins, voler dans les supermarchés, ce n'est pas tout à fait voler. D'ailleurs, il y a un nouveau mot qui apparaît dans les années 70, c'est la fauche. La fauche, qui justement est une nouvelle manière de désigner ce vol qui est davantage toléré, qui d'ailleurs se règle en réalité très souvent à l'époque de Zola, comme à la fin du XXe siècle, se règle de manière contractuelle. C'est-à-dire que on demande au client indélicat de payer la marchandise. Il est très rare que la police se saisisse de ses affaires, dont elle ne saurait pas très bien quoi faire d'ailleurs, puisque là aussi, ça créerait un engorgement du système judiciaire. À côté de ces lieux de grand passage, il faut peut-être revenir à la défense des propriétaires en tant que tels contre les assauts possibles du vol, de toutes les formes de truanderie, la protection privée, autrement dit, en particulier le triomphe des serrures, des clés, la clé devient omniprésente. Et je voudrais citer avec considération et respect le nom d'Alexandre Fichet, qui au début de 1825 déjà invente des serrures admirables, n'est-ce pas ? Il invente des serrures qui apparemment sont des modèles de sûreté renforcés. Il invente surtout la technique publicitaire qui permet de les faire connaître. Ce qui est assez formidable avec Alexandre Fichet, c'est qu'il a tout de suite compris que la question de la sécurité, c'était une question psychologique, davantage qu'une question technologique. Alors, il faut bien sûr que la serrure ou le coffre-fort soit efficace. Et je ne mets pas en question la solidité des coffres de Fichet. Mais en revanche, il faut surtout gagner la bataille de la confiance. Et ça va l'inciter, dès les années 1830-40, à mener des grandes offensives publicitaires. Alors, dans la presse, qui évidemment a un lectorat limité et bourgeois, mais c'est le cœur de cible, bien sûr, d'Alexandre Fichet, en obtenant aussi des agréments. Ça va être très important pour Fichet d'expliquer qu'il est le serrurier agréé de la Bibliothèque nationale, parce qu'évidemment, ça donne de la confiance à tous ses autres clients. Ensuite, ça va être la bataille des coffres-forts des banques, parce que justement, réussir à prouver que c'est votre entreprise qui sécurise les banques ou les bureaux de poste, c'est un formidable levier publicitaire pour obtenir derrière ensuite des marchés privés qui sont de plus en plus fructueux parce que justement, les particuliers, à leur tour, s'équipent. À mesure justement que cette inquiétude du vol monte, on a des techniques de protection et une banalisation du marché de la sécurité. Alors au centre, trône magnifique, le coffre-fort, notion effectivement, comme vous le dites, essentielle. Je note que parmi les morts absurdes que certains se sont amusés à énumérer, il y a celle de Jack Daniels, l'homme du whisky, qui voulait prendre de l'argent dans son coffre-fort, ne retrouvait pas le code et furieux a tapé avec son pied sur le coffre-fort dans un moment de colère tout à fait blâmable. Et du coup, il a été blessé et il est mort par gangrène peu après. Mais je ferme cette parenthèse qui n'a rien à voir. C'est une sorte de revanche, en quelque sorte, de la liberté contre le coffre-fort. Alors, c'est intéressant parce que le coffre-fort, justement, s'accompagne souvent de gadgets. Et à la fin du 19e siècle, il y a toute une floraison d'inventions plus ou moins loufoques, mais parfois très inquiétantes. On les retrouve notamment dans les archives des musées. Parce que du côté des musées, on observe que des inventeurs un peu fous vont justement faire des propositions pour sécuriser. Et on a par exemple des propositions d'objets qui ouvrent le feu si on essaye de forcer, d'objets qui vont capturer ou trancher le bras du voleur qui essaierait justement de s'introduire dans le coffre ou dans l'objet attaché par un grillage. Ce genre de gadget est absent des musées nationaux ? Alors, je vous dirais que je n'ai pas essayé, je ne me risquerai pas à essayer. En tout cas, dans les archives, le directeur du Louvre précise à chaque fois que ça lui semble disproportionné. Ce qui est une formule pudique, là aussi. Mais qui témoigne quand même du fait qu'on ne décourage pas totalement ces inventeurs au cas où une bonne idée émergerait. Et alors, évidemment, ces objets-là, ils font écho aussi à tout le problème de la légitime défense qui se pose déjà à la fin du 19e siècle avec une jurisprudence qui est incroyablement laxiste là-dessus. Si un voleur vous menace dans les années 1900, vous pouvez lui tirer dessus, vous risquez pas grand-chose. Pour que le débat s'ouvre vraiment et pour qu'il y ait une vraie protection de la vie des individus au détriment cette fois de la propriété, il faudra attendre les années 1960-70. Et là, ça sera un grand débat politique. On voit tout au long du 19e siècle se développer ces protections, l'alarme, et puis le personnage emblématique de la concierge, Madame Pipelette. Le mot vient d'un roman d'Eugène Sue au mi-temps du 19e siècle. La concierge, et le concierge aussi, parce que l'emploi est moins genré peut-être au 19e siècle qu'il ne le sera ensuite. Mais c'était Monsieur Pipelette d'ailleurs chez Eugène Sue. Oui, les concierges finalement ici jouent un rôle absolument capital. On ne rentre pas dans un immeuble sans croiser un concierge, en théorie du moins. Et donc, ils sont les garants de la propriété privée, de la sécurité des appartements. On n'en sort pas non plus la nuit, cordon s'il vous plaît. Là, l'obligation de fermer, c'est une obligation, notamment à Paris, qui est fondée sur une ordonnance de police. Donc le concierge doit fermer, donc évidemment c'est très contraignant pour les habitants de l'immeuble qui doivent, pour sortir, sans arrêt solliciter le concierge, qui n'est pas forcément de bonne volonté si on sort à des horaires un petit peu indus. Et donc c'est une contrainte qui n'est pas d'ailleurs sans susciter des situations très romanesques, très théâtrales, parce qu'on a parfois envie d'être discret par rapport au concierge qui en sait beaucoup. Ah bon ? Vous pensez peut-être à quelque chose comme l'esquisse d'un adultère ? Dans la littérature de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle, c'est extrêmement fécond. Alors je voudrais que nous terminions notre conversation, Arnaud Dominicout, en évoquant un autre volet de cette histoire du vol tel que considéré par une société. C'est cette grande affaire de l'état de nécessité. Dans quelle occurrence il est légitime que l'on ne condamne pas quelqu'un qui a été, au fond comme Jean Valjean avait volé un pain, qui a été conduit pour nourrir sa famille à accomplir un petit larcin. Alors cette question est une question qui est à la fois une question empirique, puis ensuite juridique et politique. Sur le plan empirique, c'est assez simple. Il y a des magistrats au 19e siècle, et sans doute au-delà, qui vont dispenser de peine ou relaxer des individus qui, manifestement, ont volé pour se nourrir. Ça existe, mais c'est discret. Le moment où ça devient un débat juridique et politique, c'est quand un magistrat, en l'occurrence le juge Magnot, le bon juge, c'est Clémenceau qui lui donne ce surnom, en 1898, donc le juge Magnot va vouloir justement non seulement relaxer une voleuse, mais accompagner le jugement d'explications, d'attendus. Un beau texte. Un très beau texte qui explique justement que finalement, dans une société bien faite, il n'est pas normal qu'on meure de faim. Et par conséquent, il y a un droit imprescriptible à survivre, y compris au détriment donc de la propriété privée. On a vu surgir dans les codes d'ailleurs des notions qui approchent un peu cela, mais avec une extrême prudence. Oui, la nécessité, en fait, c'est un thème juridique qui revient régulièrement, qui s'applique aussi finalement par extension d'ailleurs à la question de la légitime défense, puisque c'est au nom de la nécessité justement de l'acte, de l'urgence de l'acte, que peut être fondée dans certains cas la légitime défense. Mais dans le cas justement du vol de nécessité, ce qui est très intéressant, c'est que le bon juge Magnot réussit à faire relaxer la voleuse, Louise Ménard, qui avait volé un pain pour nourrir son enfant, mais cette relaxe, finalement, ne fait pas jurisprudence. Parce que tout l'enjeu pour la cour d'appel, c'est non pas de casser le jugement, pas de problème pour que Louise Ménard soit libre, parce ça on l'accepte. Parce que le parquet, naturellement, a fait appel au nom de la société. Le parquet a fait appel, exactement. Mais du coup, la cour d'appel, justement, va casser les attendus du jugement. Ce qui montre clairement qu'on ne veut surtout pas que le juge Magnot fasse des émules. Et tout au long du XXe siècle, et jusqu'à très récemment, c'est un débat qui reviendra. L'histoire du juge Magnot est enseignée dans toutes les facultés de droit. C'est un classique, les étudiants de droit la connaissent très bien. Et régulièrement, on a des débats autour, justement, de l'état de nécessité. La question s'est encore posée il y a quelques années, et elle revient régulièrement devant les tribunaux. Alors, je ne sais pas, Arnaud Dominicout, si vous avez défendu la propriété, mais vous avez défendu brillamment votre livre qui s'appelle « Propriété défendue, la société française à l'épreuve du vol, 19e, 20e siècle », un ouvrage qui vient de paraître dans la prestigieuse Bibliothèque des Histoires chez Gallimard. Je renvoie aussi à un autre ouvrage important de votre plume, publié lui aux éditions du Seuil, « Le triomphe de la République », où vous couvrez la période de 1871 à 1914 dans la collection « L'univers historique », une publication de 2014. Et puis je voudrais aussi, avec votre concours, rendre hommage à Dominique Khalifa, que nous avons perdu et qui nous manque, avec qui nous avions fait ici plusieurs émissions sur Fantomas, sur Arsène Lupin, sur les bandes. Vous trouverez les titres de ces livres, comme d'ordinaire, sur la page de l'émission. Et vous pourrez également écouter, réécouter et télécharger cette émission comme des centaines d'émissions depuis 2011 qui sont à votre disposition, comme dans une bibliothèque. Samedi prochain, nous parlerons des Goncourt et j'ai sous-titré l'émission « Survivance d'une méchanceté ». Vous en verrez la justification, j'espère. J'inviterai Pierre Dufieff, biographe des Goncourt. Lundi matin, vous retrouverez à 9h le cours de l'histoire de Xavier Mauduit qui consacrera sa semaine, il a le sens des anniversaires, à la commune de Paris, après 150 ans. Prince des montants l'air et de la cambriole, toi qui eus le bon goût de choisir ma maison, cependant que je colportais mes gaudrioles, en ton honneur j'ai composé cette chanson. Sache que j'apprécie à sa valeur le geste qui te fit bien fermer la porte en repartant, de peur que des rôdeurs n'emportassent le reste. Les voleurs comme il faut, c'est rare de ce temps. Et sur le fond d'une chanson de Georges Brassens, Stance un cambrioleur, une chanson de 1972, j'ai le plaisir de vous rappeler que vous venez d'entendre Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux et réalisée par Yaël Mandelbaum, avec Yann Fressy à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque et Hervé Evano pour les archives de l'Institut national de l'audiovisuel. Et comme toujours, j'ai le goût de saluer et de remercier la documentation de Radio France qui travaille pour nous de façon magnifique. Du brave travailleur, tu n'as pas cru décent de me priver de ma guitare. Solidarité sainte de l'artisanat. Et dans quelques instants, Christine O'Krent pour Affaires étrangères. Pour toutes ces raisons, vois-tu, je te pardonne. Sans arrière-pensée, après mûr examen, ce que tu m'as volé, mon vieux, je te le donne. Ça pouvait pas tomber en de meilleures mains. D'ailleurs, moi qui te parle, avec mes chansonnettes, si je n'avais pas dû rencontrer le succès, j'aurais tout comme toi pu virer malhonnête. Je serais devenu ton complice, qui sait.